débat ce soir, gros dossier, je ne vous en dis pas plus, 10h30, soyez au rendez-vous, surtout si vous êtes des fidèles du Star System, si vous appréciez certaines personnes, voilà, je n'en dis pas plus. Oh, allez, si je vous mets la bouche pour les grands connaisseurs, voilà, he's back, c'est tout. Most. Termine, hein? Most. He's back. Il n'y a pas le mot entier, Most. Most, il est de retour. Je n'en dis pas plus, voilà, et ça me fait super, super plaisir, ce qui fait que grâce à cette nouvelle, j'ai la méga ultra patate, d'accord? Tiens, je vais m'auto-fesser. Aïe, aïe, aïe. Ah, ça fait du bien. Ah, s'auto-fesser, c'est bon. Vous devriez de temps en temps, ça fait du bien, c'est le kiff.